tellement de mecs qui se bouffent à croire qu'on est anthropophage. J'écris pour ceux qui en souffrent comme à l'époque du sarcophage. Atroflageolé devant les invectives de nos barjaudés, élus et leurs détectives. On va tous finir ventre à terre à ramper tel des cloportes. De quoi fournir à ces mères de toute une armée de lèche-bottes. Aujourd'hui ne pas s'incliner, c'est vrai, ça relève de la prouesse. Faudrait pouvoir cloner ailleurs qu'en rêve Henri Grouès. La résistance est loin, la France a plus tellement de mérite. 2013, 5 juin, rappelle-toi Clément Méric contre la vermine fasciste et ses salauds takfiri. Tout plus comme le gaz de schiste et y'a même pas de ferry. Pour s'échapper de ce gros bordel, à moins que t'épingles la nalée. Pour t'écharper en zone mortelle, va voir la jungle de Calais. À élire des Tommy racis, votant voilà ce que tu crées. À côté Stomy et Passy, c'était le ministère sucré, ouais. Bienvenue dans les taux d'urgence, un Halloween permanent. Même les citrouilles sont éclatées, épatées, abattées. Les petits émiraux bourgeois, dépêchez-vous de remplir vos poches avant qu'on se mette à boucher, bienvenue, ouais. Bienvenue dans les taux d'urgence, un Halloween permanent. Même les citrouilles sont éclatées, les badouines pour le moment. Mais un jour la trouille pourrait se gâter, hein. Chienne solidaire, étudiant, aide alternative libertaire. J'trouve ce système répugnant, nique ses keufs, nique ses militaires. Réserviste aide métier, toujours à chercher des noises. J'pique up mon chat Noré Meutier et ma gueule tout flic de plein oise. Qui nous file à anticiper ce que vos parrains disent. Tous vos paradigmes, vos faux paradis. Ma UN peut aller se faire foutre, on chialera pour aucune police. Sans haine bombée, un stade de foot, ça pourrait faire partie de nos listes. Applaudir des milliardaires, c'est se faire des tatanes de chétane. On vaut mille publicitaires, on plante des platanes pour se latane. Bien sûr que ça casse les couilles de bord, les frères pour tes fusils en Syrie. Mais ça serait peut-être une autre embrouille, si y'a plus d'autres choix, cuisine et Syrie. Tic tac toc, j'entends les petits black blocs. Des équipes de choc qui salissent pas le froc. Toutes leurs petites allocs avec on en a marre de jongler. Mes défonçons-les. Bienvenue dans les taux d'urgence, un Halloween permanent. Même les citrouilles sont éclatées, épatées, abattées. Les petits émiraux bourgeois, dépêchez-vous de remplir vos poches avant qu'on se mette à bouger, bienvenue, ouais. Bienvenue dans les taux d'urgence, un Halloween permanent. Même les citrouilles sont éclatées, les badouines pour le moment. Mais un jour la trouille pourrait se gâter, hein. Les taux d'urgence, un Halloween permanent. Même les citrouilles sont éclatées. Les badouines pour le moment, mais un jour la trouille pour